إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل تي سنو درس بيغا خمني ميغا أجو تسنتوري تيري بوودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. خم جنن نيغي وون تي فاغا خمني فلام بوروم تيري بي دون واخي تي ليغا خمني موي الأضرار التي تحصل بتعلق العبد بما سوى الله عز وجل. لور ييغا خمني داي باوو تي وير بي نيت كي دي وير خولم la xas ko lonk ko wekko ko ci kudul yalla. Ay lor mo ci nek, ay lori aduna ak ay lori al-akhirah. Mo melni joton na njunju sax yenn ci lor yi nga xamni moy loru aduna. Bo joxe won ci misal ci jamono ji ñu tollu febar bi ñepp di wax, ana ñi nga xamanteni ni dañoo jëlon mën mën katan pexé jox ko ay mbindef, non seulement joxuñu ko ñuy dund sax waye dañ ko attribuer ñi dé nga té xam ngeen né yeen ñepp paspas bobu paspasu payen la. Waaw, paspasu payen la. Payen yi ñom ñoo doon nan les morts nous sauvegarde depuis l'au-delà, ils nous regardent. Lolu payen yi ñoko doon wax, qu'ils soient des occidentaux, qu'ils soient des noirs, lolou pass passou payen la. Gem gem la bo xamanteni gem gemu ciedo la, gem gemu jahiliya la. Mais gis nga gaay fexé nañ ba importer ko tay duggal ko ci islam. Ah, yeen ñep xam ngeen livre bu célèbre bobu les morts ne sont pas morts. Gis nga pass passou payen la, gaay dañu japp ni ñi dédé wuñu. Gis nga ba da ngay gis sax ñu sakku ci ñom ak ar ak kiray ak nangam iska da nga daan deg ñu nan la jamono yi ndal daan am ñu nan la ndalu eutuli chaque jour fexeleen ba bu guddé na am ndox ndax ñi dem dañuy ñëwaat di nan ci iska lolu dang koy fekk ci ñu ñuul ñi dang koy fekk ci occidentaux yi chez les européens gis nga fekk ko ci indien yi mi gi non pass passou payen la. Legui nak tay sunu borom mi ngi woné wat misal di woné né ñoñé ngén di wo ñoñé ngén yaakar ñoñé nga xamni bu ngén fakastal wan sax mom ngén di wo bu otané rel ngén wo turu ñoñu corona né na rel wo len len ba xam mënal nañ len dara wotel ñel ya diw. Ah mais ah do wote ah boy fakkar salu sax ne diw acha corona bi exina woko woko lan la meunal la shay gis nga kon lor mi ngi nonu sa yaakar tasna. Waaw, yaakar gu tas nak finalement ay délire lay indi. Tay nit ñi ñi ngi commencé délire té yakarna ah sunu borom buñu défalul tawfiq ah dakal mbir mi ragal na mu gëna doy waar ñepp ay délire africain yek européen yek ñepp gaay ngi délire gaay ñi ngi délire gis nga tay gaay ñi ngi xey naan kamil bi boko ubbé amna passe bo xamni dang ci fekk karaw nenañ karaw yonante bi la quoi ñu ne ben way moko gënt fele ci nigeria c'est des délires. C'est des délires. Nañ jema nité nitélu. Mais nak situation oblige. Parce que su féké xol bi dafa pauvre ci Yalla. Sa xol bu féké dafa pauvre ci Yalla. Ah fi la gay nékkon nan diw ci xol dara faju ko. Acha wol diw mom. Diw ci xol dara faju ko. Demal ci diw mom. Mu ar la ci corona bi. Ah? Kon tay gis tay dafa leer nañ yiñ ci doon yëkëti di jël jël bi jëlano yëpp du dara laysu bi shay amwatun ghayru ahya wessu ñi daño dé dunduñu mais lutax dégglu leen appelu alquran yeen dal alquran am leen len lu ngeen ci mëna jëri yo luddul nan no ben karaw bo tijé kamil bekk ci fekk ben karaw mais kamil bo yagga tijji sa kër sa karaw sik mën na ci wad sa karaw bop ba mais doomu adama ay karawam ñaata lay ñaata des dizaines de karaw ngay wadal per bes hmm ñi na no karaw iblis la bo demé iblis moko ci def mais yow may akkar da nga né alcorane day dakk shaytané ha xol wax joju li muy insinuer rek alcorane day dakk shaytané mais légui iblis mom dem na tiji kamil du duggal ci ay karaw wu rendez compte. Mais il délire. Légui imaginez len fi lañ nek rek ak corona ben bir légui imaginez len ahwalu yawm al-qiyamah nak jafé al-akhirah nak mom ak tarayu al-akhirah imaginez len ko ak yamuy andal du ben bir dé mais tay ben bir mo ñew mettre l'Italie en quarantaine du Italie kessa ay dëkk yu bari ngi di tejji frontière. Hein? Ben être, ben mindef, bu invisible à l'ennemi, bo xamni beut mënu ko gis. Fekk ay ministre, feug sen buntu keur, rej, ñi mu japp sen jabar. Fekk ay médecin, feug sen buntu keur. Ha? Allahu musta. Ay médecin yi waron fajaat. Motax docteur yi jar naño ñaanal bu baax. Nit ñi nak dañ leen di faté situation bi ñom ñoy risqué gis nga ñew di jamar lok mbir yo xamni tay yow buñ la lawon kay amo fitam buñ la lawon ben malata ngi ni rek yow ci mbéd yow nitu mbéd nga da ngay daw mais médecin buñ ko né malata ngi ni da gis mu futé ko bu ko fekkon kawla lan sax buñ ko né malata ngi ni mu jog hmm légi motax neexul ba neex ñun dañoo déssé goré mais il faut ñu wax ko dañoo déssé goré tay joueur de football bi bu rombon tay mbéd mi yépp génn top ko ba ci doomu médecin bi sax motax médecin bi ci bopam xamul valeuram c'est-à-dire c'est ça le problème de ce monde da ngay yor noblesse do xam sa valeur likoy waral aussi moy au parleur yu bari. Parce que lumière et opaleur ñu ko braqué ci tiaxan kat yi foy kat yi ba yow médecin bi nga japp ni yow amato noblesse yow mais yow lañ warona appuyer motax que kérok amna IPBO bo xamni dawna sama yaram daka na France la gañ ñi ngi tatchu médecin yi ñi ngi confiné wu ci bir ki sen ki balcon yeek yoyu gennuñu mais ñi ngi len di tatchu parce que xamna ñi gor ñan ci biti ci sur le terrain les hommes sont d'or ils affrontent la mort. Ah, ana ñu nan ñom lañ yaakar aduna ak al-akhirah. Ah, dans leur salon, tandis que les hommes sont en train de braver la mort. Mais say bi tam warna xam valeuram. Gis nga fi la noblesse di feñé, arab yi loolu lañ wax. Arab yi nenañ. Gis nga culture arab dafa graw, dafa riche. Arab yi nenañ ci jafeñ lañuy xamewé noblesse nit ñi. Les nobles, ci jafeñ tartar lañ leen di xamé où sont les haut-parleurs ah ñep confiné wu nañ ana football kat yi ana basketteur yi ah ya lañ ñu def ay vidéo di yëram doon naan wa lutton contre le corona ci sa bir salon non ngay lutter contre le corona du yow dañ né euro nga ñu lay décerner ay prix di la défar ay tandis que jamono bobu ñi ngi bayyi ce médecin là muy dugg ci ay bisu tata geejo way ba bir ville hein xolal xolal misère bi nga xam ni moom la ñuy dundloo médecin yi tey ñoom lañ soxla tey les infirmiers les hommes de santé ces hommes là léegi nag bu ñu fekkee dañoo bëgg a dund système boo xam ni teguñu ko ci ngor amuñu reconnaissance ci ñi nga xamante ni nii tey ñoom ñooy ñaxe ñoom ñooy sonn système boobu la ñuy dund tey dem di bëgg ñoo xamante ni mais premièrement vos fans là qu'est ce qu'ils ont fait là waaye lutte contre le corona derrière leur portable dans leur salon ah ñi ngeen fi doon érigé ay héros ay nangam ak nangam nangam donc jot na tey monde bi changer système système de vie total dafa jot su fekkente ne loolu mënta nekk lu général yow ci sa bopp war nga yeewu war nga xam ni liñ la fi mën sa tegal yépp ay feuilleton la ay théâtre de marionnette la théâtre de marionnette ce n'est que de la manipulation ñoom ñooy jël ki ñu bëgg nga bëgg ko kooku la ñuy jël yëkkatiko jël ay haut parleur jël média yi braqué foofu wala sa juna ko nan la gis nga mo regarde comme il fait avec les enfants nangam tandis que moment boobu boo demoon pédiatrie di nga fekk un infirmier boo xamante ni mi ngi tiim gone koo xam ne mi ngi sukuraat mu ciy rey boppam tandis que jamono boobu ñu ngi ko wee 2h du matin mu dugg ci ay oto toltalaan ba egsi hôpital tiim gone koo xam ne mi ngi sukuraat kooku mooy héros mais pas ce joueur de foot ou bien ce basketteur ou bien ce lutteur maintenant des hommes ça c'est des hommes ça ça c'est des hommes ah bàyyi ba takkusaan nga rangoo say xiir ak say buum ak ñëw watar watar yi ak sa gannaaw góor gu am gannaaw watar watar rek sa ginnaaw ah sànnante ay coup de poing daan ne mbapp ci suuf ñu ne roi des arènes génne ay million jox la moment boobu sa médecin là mi ngi ci calando yi sa infirmier là mi ngi ci calando yi parce que mi ngi war a am garde mi ngi war a monté ji garde minuit reer sax talu ko kooku lañ war a décerner des prix su fekkente ne on est honnête dans le vrai sens du terme ce système là bii fi nekk tey nii di dox day soppeeku il doit y avoir avant corona avec corona et après corona mais ma al asaf vous continuez de dormir da ngeen di continuer di nelaw parce que y a les télévisions ils vont braquer les télévisions encore yéen a ko jënd yéen a ko dugal seen kër xoolal li nga jëndee télévision xoolal li nga ko jëndee ñaata télé moo nekk sa kër et puis des écrans plat aussi télévision qu'est ce que ça lan lay indil ces télévisions la qu'est ce que ça t'apporte ah qu'est ce que ça t'apporte lan la lay apporter donc fa bima kasabat aydikum moo fi ne waaw fa bima kasabat aydikum ñoo fàggul yi sunuy bàkkaar la sunuy ñaawteef la sunuy procédure yu baaxul sunuy système yu baaxul sunuy doxalin yu baaxul du côté religieux que du côté social ak si beneen côté bu mën a doon fekk ay mbiifañ érigé leen héros fekk ay mbiifañ ay mbiifañ ay chanteur ay jeune homme mooy sama fans jël kay xale yi école di ci def ay jour di ci def ay nangam ay nangam alors là ah ce médecin japonais chinois nga xam ne doon na essayé avertir le monde nga xamante ni finalement décédé na si corona kooku ak ses jour occidentaux kan moo gën a mérité figuré si kay xale yi kan ah sànq maa ngi gis un médecin français muy annoncé ne moom aussi il a été positif après test quoi mi ngi ci biir malade yi après waa ji day dee gars yi dañ koy fàtte léegi ñan lañ dul fàtte mbiifañ ñi lañ dul fàtte nan noo fàtte nga ba mu dugalee bij bi fàtte nga ba mu kiyee kii bi fàtte nga ba mu xëccee maye bi fàtte nga ba mu ko daanee fàtte nga ba mu xoolal cassette woykat yi am na ñoo xamante ni ay woyu 1960 ba léegi fàtte wuñ ko mais 1960 médecin bi la doon traité fàtte nga ko jot na C'est-à-dire, si je suis changé le système, je ne sais pas comme les politiciens, ni les politiciens, ils ne sont pas là. Quand je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, après je suis venu, je suis venu, bon, il faut changer le système, activez-vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Koku du changer dara. Koku du changer dara. Parce que les télévisions seront toujours braquées. Li fi né ba légui mo fi né. Xam nga lu ñuy changer tour rek sante bi rek ngeen di changer. Lolu mo nekk ci politique bi. Mais suma né changer moy yow ci sa bop individuellement jot na nak nga xol ce monde là ci benen œil. Pas œil bi nga xamanteni mom nga toujours xam. Mais jot nañ ko dox jog nak aller à rencontre des réalités tay lu melni tay moment bi ñu nekk corona réalité la tay jot na nga xol qui sont les vrais hommes pose-toi ces questions là commencez par fofu qui sont les vrais hommes où sont les politiciens ah ana politiciens ana ñu ñaan ñom lañ yaakar tay ñoy dugalaté aljana où sont ils ana mbeuri ana joueur yi ana way kat yi ana théâtre kat yi duñu xaar loolul nak ba jambaré taxaw def liñuy def ba paré ñu jog nak nan dañuy woy corona corona ñi nan dañ koy théâtre vous n'avez pas honte man jëlo xol ci borom bi tabaaraku wa ta'ala lepp lo wër soxol té du yalla neen la bép système bo yaakar té du système bi nga xamni mom la alcorane préconisé neen la neen la ñu fexé goré nak ñu fexé goré am ngor au minimum ñu wona wax jere jeuf jaay jeuf ñaanal médecin yi parce que c'est à leur risque et péril ñu ngi affronter fièvre bi guddé becc di jamal nañ leen ñaanal bu corona jallé ci tawfiq borom bi tabarak wa taala bu fi kenn santati ben diw kuy sant santal yalla parce que tay yaangi ni ci corona bi diw mom mënul la dara il faut nga goré aussi de la gratitude mais honnêteté de bobu ngor gogo mo fi manké boba tam bu fi gën jëlati ay héros ay football kat ak ay mbeur ak ay way kat ak yu kenn xamul gor ñaani ni seen kanam tay xol leen dëkk yi nekk en quarantaine kenn du gën ñepp nga ne ki tok ci biir kër gi liñ doon wax naan wa islam islam da naan jigen du gën tay gor ak jigen kenn gënul ñepp ci biir kër yi gor ñaan ci biti di affronter kon ñooñu wax deug yalla ne serait-ce que un petit merci il le mérite ne serait-ce que ben ñaan quoi buñ leen mëna envoyer parce que tay lool leen mëna defal tay ñaanal leen boba nga jëm mëna xol système bi nga xam mo la wër tay nga jëm ko étudier jangat ci bayyi ci xel delu wat ci li yalla wax nga xol nan ngay gor gor lo ba mëna am ngeurmande borom bi tabaarak wa ta'ala kon loolu jara bayyi xel mako période bi ni période gindiku la mako période gindiku la sunu borom wacce na ay kemtan wacce na ay ayat yo xamanteni ni wama yaqiluha illa alalimun ñi am xel den ci xel waye ñi nga xamanteni nak ñoom dañu musor sen xalaati ñoo ñu wallahu musta'an wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.